Hey, I can't find nothing on the radio. La mécanique des ondes. You'll turn to that station. Mécanique. La mécanique des ondes. La mécanique des ondes. Cécile Rondeau-Arnaud. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce sixième épisode de la mécanique des ondes qui s'enlève de ses habits estivaux et qui va devenir annuel. Et oui, donc vous l'avez deviné, la mécanique des ondes est prolongée sur cette saison 2014-2015. Je vais avoir le plaisir de recevoir encore plein de grands acteurs de la bande FM. Puisque c'est le concept de l'émission, c'est de donner la parole à ces acteurs de la bande FM. Qui sont-ils? Comment ont-ils commencé la radio et quelle est leur vision du média aujourd'hui? Je reçois Thomas Joubert, chroniqueur sur Europe 1 et numéro 2 de Jean-Marc Morandini dans le grand direct des médias. Bonjour Thomas Joubert. Bonjour Cécile. Vous êtes au micro d'une radio associative. J'aimerais savoir si ça vous rappelle des souvenirs. Ah, mais déjà c'est joli chez vous. C'est beaucoup moins bleu qu'à Europe 1, mais c'est joli. C'est vrai. Des souvenirs, j'ai jamais fait de la radio associative. La radio sur laquelle j'ai commencé était déjà une radio commerciale. C'était Voltage en région parisienne. Donc c'était une radio locale, mais déjà à l'époque avec quelques ambitions nationales, on était déjà dans du concret, dans du sérieux. Et après, moi, je n'ai connu que des radios commerciales et des grands groupes, effectivement, donc comme Voltage, Europe 2 et aujourd'hui Europe 1. Et alors, à quel âge vous étiez à Voltage ? Moi, j'ai commencé à Voltage en stage, je devais avoir 18 ans. D'accord. 18 ans, ouais. Et l'envie de la radio, elle date un petit peu plus longtemps. Oui, depuis que j'ai à peu près 7 ou 8 ans, je pense. J'ai toujours été un passionné de radio. À l'âge où les enfants jouent à faire des jeux de construction ou autre, moi j'étais déjà en train de jouer à faire de la radio. Très honnêtement, à partir de 10-12 ans, j'ai commencé à faire le perroquet, comme me disait ma maman, à m'enfermer dans ma chambre et à reproduire ce que j'entendais sur les différentes radios, jusqu'à commencer à m'équiper, acheter un micro, une table de mixage, faire des branchements dans la chambre. Et oui, au lycée, je faisais des émissions régulières. On avait une vraie émission, donc on enregistrait ça sur cassette. Hein. C'était la radio qui n'aimait pas. Je distribuais, on faisait passer les cassettes dans la classe, tout ça. C'était assez sympa, je faisais participer mes camarades. J'espère que ces cassettes ont été détruites. Non, on les a. Non, je plaisante. Par contre, justement, est-ce que cet amour de la radio a déterminé vos études ? Ah bah oui, puisque moi j'ai découvert effectivement la radio et cette passion j'avais 10-12 ans, donc j'ai su que je voulais faire de la radio. Il y a des gens qui veulent être pompiers, d'autres bouchers, charcutiers. Moi j'ai toujours su que je voulais faire de la radio, et donc je me suis juste donné les moyens d'y arriver, et donc j'ai fait des études dans ce sens-là. Au départ, moi j'écoutais les radios musicales, j'étais biberonné à Énergie à la fin des années 80, donc mon idole était Marc Scalia, donc moi je voulais être Marc Scalia, je voulais présenter le Star Match. Et puis en fréquentant un petit peu la radio, je me suis rendu compte que le côté animation finalement était sans doute pas le plus passionnant, parce qu'on était déjà dans une ère à la fin des années 80, début des années 90, d'une extrême marketisation des antennes, où le rôle de l'animateur avait de moins en moins de place, de moins en moins de liberté. Et en fait, moi j'ai toujours été alimenté par le contenu. Moi, ce qui m'anime, c'est vraiment le contenu. Et donc, je me suis orienté vers des études de journalisme, parce que j'ai considéré que la chose la plus intéressante à faire serait sans doute du côté du journalisme. Donc j'ai fait des études de journalisme. Alors vous me parliez de Voltage tout à l'heure, vous êtes également passé à France Inter, à Europe 2. Oula, oui, France Inter, oui, c'était des stages. Ouais. Oui, c'était des stages. Vous avez donc été plus ou moins aussi bien dans le public que dans le privé. Ouais, j'ai dû faire deux stages, deux étés différents à France Inter, à une époque où on pouvait encore envoyer des courriers et avoir une réponse positive pour faire des stages l'été. J'étais très fier d'aller à France Inter parce que c'était la radio qu'écoutaient mes parents, donc il y avait une petite reconnaissance de ce point de vue là donc j'étais vraiment stagiaire. J'avais travaillé sur deux émissions d'été. La première année, on faisait une émission avec Jean-François Remonté, qui était le réalisateur de Laurent Ruquier sur France Inter, qui était une sorte des enfants de la télé version radio. On ressortait les vieilles archives, donc j'étais chargé d'aller réécouter les vieilles archives, même de l'ORTF. On ressortait des bandes poussiéreuses, moi je dérochais tout ça. La deuxième saison, je travaillais sur une émission qui s'appelait Le Pain des Français, où j'étais chargé de trouver des intervenants, des Français qui habitaient à l'étranger. Enfin voilà, des vraies tâches déjà de journalisme. Je faisais ça en parallèle avec mes études. Et très sincèrement, le très court contact que j'ai eu avec le service public ne m'a pas plu. Voilà, j'ai découvert cette maison ronde où on pouvait tourner des heures et des heures dans les couloirs parce qu'elle est ronde, et une ambiance assez très très service public, très très France Inter, qui honnêtement n'est pas aujourd'hui, ça peut changer, hein, mais c'est pas ma culture. Moi, j'étais biberonnais à Europe 1. Moi, ma radio, c'est Europe 1 depuis que j'ai 10 ans. Et vous y êtes toujours. Et j'y suis toujours, et c'est une grande fierté, très sincèrement. Quand je passe tous les matins dans ce hall d'entrée et que je passe mon badge, tous les jours, j'ai une pensée du petit garçon qui avait 12 ans et qui venait assister aux émissions. Je venais voir Jean Roucas, je venais voir les émissions de Laurent Boyer. Voilà, je traînais dans les couloirs de cette radio, je venais assister aux émissions publiques. Et j'ai toujours su, quand j'avais 12 ans, que j'étais là en train d'attendre dans le hall pour assister aux émissions. Je me suis toujours dit, un jour, je travaillerai là. Donc, j'ai eu un premier aperçu quand j'ai travaillé à Europe 2 au tout début de ma carrière, en 97. Mmh. Et aujourd'hui, oui, bah, la concrétisation, elle est maximale. Et quand aujourd'hui, je fais de la radio avec Julie, que je fais des passages d'antenne l'année passée encore avec Michel Drucker ou autre, c'est... Enfin, des fois, je dois me pincer pour dire que j'arrive pas, quoi. Ouais, voilà, vous réalisez votre rêve. Ah, ouais. Moi, mon rêve, ça a toujours été de travailler à Europe 1, de parler dans ce micro bleu. Donc, j'y suis aujourd'hui très, très bien. Ouais. On passe de 97 à 2011. Vous partez pour aller à Allociné. Ouais, 97, oui, je suis parti d'Europe 2, en fait. J'avais passé 4 saisons à Europe 2. Comme je disais tout à l'heure, la radio était en pleine évolution. Moi, ce qui m'intéressait, c'était le contenu. Europe 2 devenait une radio purement musicale. Il y avait un format qui s'installait, un max de tubes, je sais plus trop quoi. J'avais 3 chroniques par jour, j'en ai plus qu'une. Les flashs, je faisais 2 minutes, ils ont été réduits à 1 minute. Donc voilà, j'avais plus ma place sur Europe 2. Et il y a une jeune chaîne de télé qui se créait à l'époque, qui était donc Allociné Télévision, une chaîne sur Canal Satellite à l'époque. Et j'ai eu envie, depuis tout petit aussi, la télé m'attire. Donc voilà, j'ai sauté sur l'occasion pour aller apprendre à faire de la télé. Et c'était une chaîne qui se montait. Donc pareil, c'était magique parce que j'ai appris plein de choses de la télévision dans cette toute petite chaîne. On était entre nous, on avait un studio, on n'appartenait pas à un grand groupe. C'était un groupe indépendant à l'époque, Allociné. On faisait ce qu'on voulait. Donc j'ai appris beaucoup là-bas. Et vous continuez ensuite en télé puisque vous arrivez à iTélé. Ouais, il y a eu. Effectivement, en fait, Allociné, l'aventure a été de très courte durée parce qu'au bout de 6 mois, je crois, la chaîne s'est fait racheter par Canal+. Donc après, j'ai un peu bossé pour la chaîne cinéma de Canal+, un petit peu pour Disney Channel. Vous êtes passionné de cinéma ? Oui, j'aime le cinéma. Après, passionné, ce serait un bien grand mot. J'aime le cinéma. Oui, je suis un très bon spectateur. J'ai beaucoup aimé travailler sur les émissions de cinéma. Effectivement, après de là à dire que c'est une passion, je pense qu'il y a des gens qui sont beaucoup beaucoup passionnés que moi sur ce domaine-là. Mais oui, il y a eu donc cette découverte d'iTélé. Je cherchais du travail en fait après. Allociné, il y avait eu ce rachat, machin. J'étais dans ce groupe Canal, je savais pas trop ce qui allait se passer. Donc, ben, j'ai cherché du travail, comme à l'époque, on envoyait les CV et je suis tombé à iTélé où j'ai eu un très bon contact avec le directeur de la rédaction, Bernard Zécry, qui m'a fait rentrer. C'est une deuxième personne à qui je dois beaucoup parce que c'était le premier avec un parcours un petit peu surprenant parce que la radio musicale, Disney Channel, le cinéma, j'avais jamais fait de l'info pure et dure et je me suis retrouvé au milieu de cette rédaction. Je suis arrivé en mars 2003, c'était le début de la guerre en Irak, et je me suis retrouvé à faire des sujets très sérieux au milieu de cette rédaction, une rédaction de news, une vraie rédaction de news, et j'y suis resté 8 ans. Et là aussi, j'ai tout appris, et encore aujourd'hui, toute la maîtrise de l'antenne que je peux avoir, etc., on l'apprend sur la chaîne d'info, c'est évident. Alors justement, vous y restez 8 ans avec iTélé, mais c'est entrecoupé d'une pause chez Pink TV où vous avez été animateur d'un débat. Ah, c'était pas une pause, hein, c'était en même temps. Hein. C'était en même temps, parallèle. Ah, bah, j'étais jeune à l'époque. Je faisais la matinale sur iTélé et j'allais enregistrer les débats sur Pink une fois par semaine. On enregistrait des fois jusqu'à 23h et je me levais à 3h le lendemain matin. Donc la matinale d'iTélé le lendemain était. Vous étiez jeune et frais, c'est ça, normal. Voilà, je pourrais plus. Oui, non, c'était en même temps, effectivement. D'accord. Et en fait, c'est un petit peu là que vous avez appris à Pink TV à animer un débat. Ouais, bah en fait, quand on est présentateur sur une chaîne d'info, tout le monde connaît l'exercice. On est là pour présenter les infos. Donc, c'est le principe de l'homme-tronc. On lance des sujets, ça dure 12 secondes, on fait 3 off, etc. Alors, de temps en temps, il y a un breaking news, donc ça s'agite un petit peu et c'est agréable. Mais honnêtement, l'exercice télévisuel de présenter le journal, Il est passionnant parce que la matière est passionnante, on est en direct, prompteur, oreillette, tout ça, mais après, l'exercice, honnêtement, il est assez basique. Présenter un journal télévisé, je vous dis, c'est des lancements de 12 secondes. Là, au moins, sur Ping TV, bah, j'avais une émission dans laquelle on avait 7-8 invités, je présentais debout déjà, c'était une révolution, parce que moi, c'était vraiment l'homme tronc sur une télé. Ouais. Donc, présenter debout, c'était Michel Field qui produisait, donc c'était vraiment la Michel Field, une espèce de forum avec des gens partout, des poufs, on se baladait, tout ça. Donc oui, des invités, l'exercice télévisuel, au-delà même de Ping TV, au-delà même de tous les thèmes qu'on pouvait aborder, l'exercice télévisuel était passionnant. Malheureusement, ça s'est arrêté, l'émission et la chaîne n'a pas continué. Alors en septembre 2008, on va faire tout mon CV comme ça. Ben oui, bien sûr, on continue. Je déroule les années chronologiquement. Vous faites la matinale du week-end et à la rentrée 2009, vous devenez rédac chef. Sans indiscrétion, vous aviez quel âge ? Faut faire les calculs. C'était en quelle année ? 2009, bah j'avais 30 ans. C'est un peu jeune pour être rédacteur en chef ? Ah non, moi j'étais très précoce moi. À 12 ans, j'étais déjà directeur général de ma propre radio donc. C'est vrai. Mais oui, mais moi j'ai commencé très jeune, c'est vrai. Moi à 18 ans, je travaillais déjà, je suis rentré à Europe 2 à 19 ans. Ça peut paraître jeune à 30 ans d'être rédacteur en chef. En même temps, ça faisait déjà 10 ans de métier non, je crois pas qu'ils étaient totalement inconscients en me confiant cette tâche, mais ce qui est un gros avantage quand on est dans une chaîne d'infos, c'est qu'on est amené à tout faire. Et moi, entre 2003, au moment où je suis rentré, et 2008, où j'étais rédacteur en chef, j'ai tout fait sur cette chaîne. J'ai fait du reportage, j'ai fait des duplex, j'ai fait de la présentation, je savais monter, je savais tout faire. Je connaissais tous les rouages de la chaîne, donc c'était pas totalement idiot de me confier effectivement la rédaction en chef des tranches d'infos que j'ai fait. Pas avec un grand bonheur, très honnêtement, parce que l'info en continu, c'est une lessiveuse. En plus, moi, je suis vraiment tombé une année où il y avait une actualité, c'était l'année 2010, où il y avait eu un tsunami, il y avait eu les révolutions dans le monde arabe, enfin, une année d'actualité hyper chargée, où télé était en pleine frilosité par rapport à son concurrent qui prenait une large avance BFM TV. Donc voilà, il fallait absolument copier ce que faisait BFM TV, on était sous une pression permanente. Et puis surtout, la personne avec qui j'aimais travailler, qui était Thierry Tuilier, qui est aujourd'hui directeur de France 2, était parti pour aller à France 2. Et voilà, la nouvelle équipe avait pas forcément bien les choses en main. Et c'était pas la période la plus agréable. Et puis surtout, j'étais malheureux parce que j'étais plus à l'antenne. Hein, donc voilà, il a fallu faire ce choix-là. On va revenir après la pause musicale que vous avez choisie. Alors, Thomas Joubert, qu'est-ce qu'on va écouter ? Alors, on va écouter Michael Jackson. ça fait toujours bizarre de dire le dernier disque de Michael Jackson, parce que cet homme est mort quand même. Oui. Mais oui, album posthume qui est très réussi avec ce single. Rappelez-moi le titre. Love Never Felt So Good. Voilà, j'avais un petit doute sur ma prononciation anglaise. Love Never Felt So Good. Oui, ça a accompagné tout mon été. Voilà, on retrouve le Michael Jackson des années 80 avec ce son-là. C'est un des tubes très réussis de Michael Jackson. Love never felt so good. C'est bien. Mais en plus, ça nous laisse un petit goût d'été pour cette rentrée quand même. Ben voilà. Novembre 2010, Thomas Joubert, on vient de partir d'ITélé. Vous devenez directeur associé de Tug Prod. Ouais, non, ça, vous pouvez l'effacer sur le CV. Ben, c'était quand même de la production de contenu audiovisuel. Oui, oui, j'ai eu effectivement envie de monter une petite structure pour produire du contenu audiovisuel, mais voilà, je me suis associé avec quelqu'un qui n'était pas associable. Donc ça s'est arrêté très vite. D'accord. Voilà, on a produit deux, trois trucs sur Internet, mais voilà, je me suis rendu compte que j'adorerais ça, mais honnêtement, c'est pas tout le côté administratif, tout ça, machin, oui. Gestion d'entreprise, déjà, ça ne m'intéresse pas, donc c'est pas vers moi qu'il faut se tourner, moi, plus l'artistique, le contenu, etc., une fois de plus, ça, ok. Après, toutes les contingences d'aller négocier les contrats, les trucs, machin, ça me gaffe, c'est pas mon truc, donc voilà, d'accord. L'expérience s'est arrêtée là. Mais par contre, à partir de la rentrée 2011, vous faites votre retour à Europe 1. Refrance premier, ouais. Ben en fait, je suis parti d'ITélé, vraiment dans le vide, après un ras-le-bol, un trop-plein. J'ai posé un congé sabbatique, pour tout vous dire. Pour se reposer un peu. Oui, pour se reposer. J'avais des projets de partir aux États-Unis. Enfin bon, voilà, la période était un petit peu trouble. Je me suis vraiment arrêté à ITélé dans le vide, en sachant absolument pas ce que j'allais faire derrière, mais j'étais sûr que j'allais faire des trucs derrière. Et c'est une fois qu'on ouvre la porte qu'on se rend compte qu'il y a plein de choses à faire ailleurs. Moi, effectivement, j'étais dans un petit confort. À ITélé, j'étais rédacteur en chef, correctement payé. Voilà, j'étais dans cette espèce de rendement de lessiveuse assez épuisante. Et c'est vrai qu'on n'a pas forcément l'idée, même si on a l'envie, chercher du travail en même temps qu'on travaille, c'est compliqué. Donc, juste à partir du moment où, dès que j'ai ouvert la porte, il se trouve que voilà, j'ai rencontré des gens, deux, trois connaissances, machin, notamment le directeur adjoint des programmes d'Europe 1 à l'époque, Eric Angeletti, à qui je dois beaucoup aussi. Voilà, qui m'a dit, ah bah t'es libre, bah viens, il y a des trucs à faire sur Europe, bah ok, on y va. D'accord. Donc j'ai commencé par des chroniques l'été, dans le grand direct des médias déjà, et puis voilà, les chroniques se sont transformées en chroniques récurrentes à la rentrée, puisque Jean-Marc Morandini m'a gardé dans son équipe, et puis voilà, au fur et à mesure, il y a eu les remplacements coup par coup, et puis les remplacements définitifs, et puis voilà, j'ai l'impression que je fais ma place aujourd'hui à Europe 1, j'en suis ravi. Donc du coup, c'est la troisième saison Quatrième même, là j'entame la quatrième saison. Ouais. Et donc vous avez fait, donc là, tout l'été, le grand direct des médias. Plus la partie actu à 10h, ouais. Voilà. Et aussi un autre module, les années top 50, tout l'été que j'avais proposé. À l'occasion des 30 ans du top, ça va pas nous rajeunir non plus. Vous étiez pas nés. Non, je vous confie. Donc, ouais, 30 ans, les 30 ans du top 50. Il se trouve que moi, j'avais repéré cet anniversaire parce que c'est 1984. Hein, on est en 2014, donc ça fait pile 30 ans. Encore quelques bases de mathématiques. Et cette marque, c'est une marque d'Europe 1. Moi, quand j'étais petit, j'écoutais le top 50 sur Europe 1. Le top 50 a été créé à Europe 1 et sur Canal+. Et donc, voilà, j'ai été les voir en leur disant, c'est les 30 ans du top, il y a forcément des choses à faire sur l'antenne. Ils se sont dit, mais oui, bien sûr. Donc, évidemment, on va décliner ça à l'antenne, on va décliner ça sous forme de compiles qui vont sortir. Parce que la marque Top 50 appartient à Europe 1. Le logo Top 50 appartient à Europe 1. Donc, il y a plein de choses à faire autour de ça. On m'a proposé de faire un livre donc sur les années Top 50 qui va sortir au mois d'octobre. Mm-hmm. Voilà, un très beau livre aux éditions Grund. Mm-hmm. Un beau livre illustré qui va rappeler toute cette période-là, à la fois la musique et puis aussi un ancrage dans l'époque. vraiment se replonger dans les 30 ans du Top 50. C'est un petit peu l'adaptation de ce que j'ai fait à la radio cet été avec beaucoup de bonheur parce que c'était un autre exercice. Voilà, maintenant je crois qu'on me connaît dans la partie média sur la présentation de l'émission. Là au moins j'ai réussi à développer un truc à moi dans lequel j'étais vraiment moi et c'était vraiment très agréable à faire. Oui, chroniqueur et présentateur, alors finalement vous aimez bien un peu des deux ? Bah, évidemment, quand on présente l'émission, c'est la rentrée Europe 1 depuis lundi, donc il y a un atterrissage un peu difficile après avoir présenté l'émission pendant 2 mois cet été, reprendre sa place de chroniqueur. Après, c'est le principe, je le sais, mais j'aime bien cette image. C'est un petit peu comme si on vous offrait un cadeau à Noël et que on vous le reprend. Mais voilà, je le sais, c'est le principe. Je le sais en commençant. C'est vraiment pas évident à gérer parce qu'il faut savoir se mettre en retrait. Après, voilà, c'est ma personnalité aussi. Je sais qui est le boss, c'est Jean-Marc Morandini. Voilà, il est hors de question de lui faire de l'ombre ou quoi que ce soit. Donc, c'est le principe d'un joker, mais on est tous dans la même situation. Hein. Si vous parlez à Julien Arnaud qui remplace Gilles Boulot sur TF1, si vous parlez à Julien Bugier sur France 2, c'est vrai que c'est un rôle honnêtement un peu ingrat, quoi. C'est que on est là déjà dans les périodes pourries parce qu'honnêtement, entre le 14 juillet et le 15 août, aller faire de la radio et inviter des stars, c'est pas facile. Pareil entre Noël et le jour de l'an, donc oui, c'est très sympa d'être là le 1er janvier, le 8 mai, le 15 août, mais bon, c'est vrai que c'est à un moment on a envie que ça aboutisse à quelque chose, donc c'est pour ça là je développe d'autres choses avec Europe 1. Il y a le Top 50, il va y avoir d'autres choses cette saison. Il est hors de question que je parte d'Europe 1 maintenant parce que j'y suis très bien. J'aimerais bien, oui, que ça déclenche des choses. Maintenant je crois que j'aurais prouvé que je savais faire une émission quand même. Il me semble que ça a bien tourné. Mais j'aimerais savoir si au quotidien, à Europe 1, on a quand même un petit peu de pression tous les jours. On a moins la pression quand ça marche, et en l'occurrence ça marche, on est heureux. Après la pression personnelle, bon, on a toujours un peu une appréhension, mais à partir du moment où on est dans le direct, dans le quotidien, etc., voilà, moi j'arrive 30 secondes avant l'émission en studio, j'ai même pas le temps de penser à la pression ou quoi que ce soit. Si je commence à penser au fait qu'il y a 1,5 million d'auditeurs et que si je compte en nombre de stades de France ce que ça fait, j'ouvre même pas la bouche. Donc non, la pression, ouais, faut se décharger tout ça, oui. Thomas Joubert, c'est parti pour le questionnaire rapide. Quelle radio vous réveille le matin ? Je devrais pas le dire, RTL. Ça va savoir, ça, Thomas Joubert. Ouais, non, j'aime beaucoup. Je me lève tôt, moi, un petit peu avant 6h du matin. Et j'aime beaucoup l'après-matinale de RTL avec Stéphane Carpentier. Je trouve qu'il y a une énergie incroyable. Ouais, j'écoute les infos sur RTL le matin. Il faut écouter la concurrence en même temps. Voilà, bien sûr, c'est de la veille. C'est juste de la veille concurrentielle, évidemment. Exactement. Quelle radio vous endort le soir ? J'écoute peu la radio le soir, en fait. C'est un truc que je faisais beaucoup quand j'étais jeune. Évidemment, les années Lovin' Fun, Super Nana sur Skyrock jusqu'à des 1h, 2h du matin. Ça, c'était les radios de l'époque. Aujourd'hui, c'est vrai que la radio le soir, on l'écoute de moins en moins. Ça se sent sur les audiences. D'ailleurs, on est plus devant la télé, c'est vrai, le soir. Donc, j'ai pas vraiment de radio. Je m'endors pas vraiment avec la radio, c'est vrai. Un endroit où vous écoutez toujours la radio ? En voiture. C'est d'ailleurs la grande force de la radio. Ce qu'on a beau dire que la télé se développe partout, sur les smartphones, les tablettes, tout ce que vous voulez, mais je crois que dans la voiture, la télé, on n'y arrivera jamais. Oui, systématiquement. En plus, j'ai un autoradio qui ne prend que les CD et je n'ai plus de CD, donc au moins je suis obligé d'écouter la radio. Un endroit où vous n'écoutez jamais la radio ? Bonne question. J'écoute dans ma chambre, dans ma cuisine, dans la salle de bain. Ça, c'est pour la maison. Même en vacances, j'écoute la radio. Au bureau, on n'écoute pas beaucoup la radio, en fait. C'est assez surprenant. Mais c'est vrai qu'une fois qu'on est sorti de l'émission, qu'on prépare l'émission du lendemain, on n'est pas forcément à l'écoute de l'antenne. Ça, c'est vrai. Votre meilleur souvenir de radio, hors antenne ou à l'antenne ? Oh la bonne question, meilleur souvenir de radio, il y en a un paquet. Il y a eu le festival de Cannes à Europe 2, pareil, j'étais très jeune, j'avais 19-20 ans, voilà, j'étais envoyé spécial Oui, parce qu'il faut rappeler qu'à Europe 2, vous avez fait près de 300 interviews d'artistes, j'ai lu. Ouais, je m'occupais, oui, de la chronique People, donc effectivement, je faisais les interviews avec les artistes, musique, cinéma, etc. Ouais, j'ai reçu du beau monde, hein. Bono, qui a été une interview marquante, Étienne Dao, qui était mon idole, enfin qui est toujours mon idole d'ailleurs. Le pire souvenir ? Le pire souvenir, je peux reprendre Cannes aussi, l'exemple de Cannes, parce que c'était très difficile. C'était à la fois physiquement. Bah oui, parce que ouais, on se rend pas compte quand on va à Cannes. Alors tout le monde te dit ouais, c'est cool, tu vas à Cannes, les pieds sur la plage, etc. Non, mais alors pas du tout. Quand on va à Cannes pour bosser, c'est juste une horreur parce qu'on travaille jour et nuit. Moi, j'étais chargé de couvrir un peu les soirées people, tout ça. J'étais dans les soirées le soir, mais il fallait faire la matinale le lendemain matin. Et le festival, il dure 12 jours, et donc c'est 12 jours non-stop. Donc ça, c'est très fatigant. Et surtout, c'est l'école de l'humilité absolue. C'est-à-dire qu'à Cannes, il doit y avoir à peu près 12 000 journalistes accrédités. Donc, si vous voulez, quand vous avez 19 ans, vous êtes journaliste à Europe 2, bah, toi, tu rentres pas. Donc, voilà. Un conseil à donner à quelqu'un qui veut faire de la radio? De s'accrocher, parce que c'est pas facile, et je pense que c'est de moins en moins facile. Je souhaiterais pas aujourd'hui à quelqu'un, déjà moi je trouvais que c'était pas facile à mon époque comparé à l'époque d'avant, mais aujourd'hui c'est vrai que les radios sont tellement professionnalisées, je pense que c'est très très difficile de se faire une place. Être persévérant évidemment, et puis surtout avoir la passion. Il y a que ça de vrai, je suis persuadé. Moi, ça a été mon leitmotiv depuis que je suis tout petit: quand on veut on peut. Et si on reprend mon parcours, moi j'avais 12 ans, j'allais à Europe 1 et je me disais un jour je travaillerai ici. J'y suis arrivé. Donc après je pense qu'il y a un petit peu de talent qui aide, du boulot évidemment. Il y a que ça, même il y a que ça, il y a beaucoup de travail, du travail, de la passion, et quand on veut on peut, donc continuer d'y croire. Multiplier les expériences, il vaut mieux aller servir des cafés dans la première radio locale venue, dans des radios associatives, et puis faire comme moi j'ai fait. J'ai toujours ce souvenir, j'adorais être reçu par les professionnels quand j'étais étudiant. J'appelais, est-ce que je peux venir, on me disait oui, donc je le fais moi toujours aujourd'hui quand on me contacte. Généralement je réponds, et oui, ça me fait plaisir de rencontrer les gens, les étudiants, leur montrer si ça peut déclencher certains trucs chez eux, c'est top. L'invité précédent était Manu Lévy. Je connais pas. Vous connaissez pas? Ah bon? Manu Lévy, bien sûr, l'homme du 6-9 sur Énergie. Exactement, il a une question pour vous. Ah. Thomas, bonjour, j'espère que tu te souviens de moi. C'est Manu, on s'est connus à Europe 2 à l'époque. Oui. Tu étais journaliste cinéma, je me rappelle. Maintenant, tu as bien grandi, tu es devenu mature, tu es devenu un homme, tout simplement, tu es Europe 1. J'aurais une seule question. Qu'est-ce que tu veux faire au bout du bout en radio? Qu'est-ce que tu veux vraiment faire quand tu seras grand? Quel est ton rêve? Le 6-9 d'énergie, Manu. Je veux ta place. Non, je vais répondre sérieusement. Les radios musicales et la déconne, vous avez compris, c'est venant d'e-télé, venant de l'information. Après, je suis pas un mec chiant, mais moi, ce qui m'anime, c'est vraiment le contenu. Je serais incapable de faire ce que fait Manu. J'adore les blagues, tout ça, mais quand on est vraiment trop sur des cibles teenagers comme les radios, etc., moi, honnêtement, j'ai du mal à suivre ce qui se passe sur Énergie le soir. Après, c'est peut-être la vieillesse qui fait ça aussi, mais le mec qui fait la nuit là à 22h, je comprends pas ce qu'il raconte. Il parle de trucs, de réseaux sociaux, de machin, vous toutez, machin. Pourtant, je suis très actif sur tous ces trucs-là, mais je comprends rien. Donc ça, je serais incapable de le faire. Après, plus sérieusement, mon objectif, c'est de rester à Europe 1. Je vous dis, c'est la radio de mes rêves depuis que j'ai 8 ans. Et à terme, j'aimerais bien qu'on réussisse à me confier enfin une émission régulière à moi, en dehors des remplacements. Et puis, j'aimerais bien faire un petit peu de télé aussi, parce que ça me manque. Pareil, en télé, il n'y a pas grand-chose à faire aujourd'hui. Mais ça reviendra, je suis sûr. D'accord. J'espère que j'ai répondu à la question de Manu. Oui, je pense. Et puis, écoutez, hors antenne, dans un petit instant, vous allez poser une question à l'invité d'après, je ne dis rien. En tout cas, cette année, à moins qu'Europe 1 vous appeler suite à l'émission et vous proposer une émission de dingue, on ne sait pas. On envoie le podcast à Fabien Damien. Exactement. On va vous retrouver donc tous les matins cette année. Oui. Dans le grand direct des médias avec Jean-Marc Morandini. Effectivement, on a une nouvelle formule en plus, 9h midi. D'accord. On garde les médias de 9h à 10h, 10h, 11h, on fait une partie actu. Moi, j'interviens dans ces deux parties-là. Et à 11h, Jean-Marc a lancé le grand direct de la santé que je serai amené à présenter pendant les remplacements, les prochains, je pense, au mois de Noël. D'accord. Et on va pouvoir vous lire également, Thomas, donc en octobre avec ce livre, Ces années top 50 aux éditions Grund. Exactement. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Thomas, et à très bientôt pour une autre mécanique. À bientôt.